France Info. France Info. Clémentine Bacry et Adrien Normier viennent de boucler un tour du monde en avion ultra léger. En un an, ils ont visité ainsi 35 pays. En échange du gîte et du couvert, ils ont offert leur service aéronautique à des scientifiques, des chercheurs qui n'avaient pas les moyens de se payer un avion ou un hélicoptère. Avant de se rendre au Pérou, où une mission archéologique les attendait, les deux jeunes gens ont d'abord dû survoler la forêt amazonienne au Brésil. Et les complications ont commencé. Il fallait d'abord traverser la forêt amazonienne. Donc pour ça, on a longé le fleuve Amazon, puisque c'était le seul endroit à peu près safe où on pouvait se poser en cas de problème, puisqu'on ne peut pas se poser dans la forêt. Et donc ça nous emmène d'abord au Brésil. Et normalement, c'était le Brésil notre point d'entrée pour aller au Pérou, où il y avait une mission archéologique qui nous attendait. Donc on se pose à Tabatinga, qui est une ville frontière entre la Colombie, le Brésil et le Pérou, donc c'est du côté brésilien. Et arrivé à Tabatinga, on découvre qu'il n'y a pas d'essence. Et on avait de l'essence pour faire à peu près 10 minutes de vol, pas plus. On découvre que du côté colombien, donc là vraiment c'est sur la même ville, elle a un autre nom, elle s'appelle Laetitia, mais c'est vraiment à la frontière, on parle de toute petite distance. De ce côté de l'aéroport en Colombie, là il y aurait de la bonne essence. Le problème, c'est qu'on n'avait pas l'autorisation d'aller en Colombie. On n'avait pas l'assurance, on n'avait rien qui nous permettait d'y aller. Donc on appelle notre assurance, on lui explique la situation. Ils font « Ah, la Colombie, c'est un peu compliqué. Bon, si vous restez sur Laetitia, on peut vous obtenir une extension d'assurance. » Donc on peut partir avec ça. Sauf qu'on n'avait pas non plus l'accord des autorités aéroportuaires. Et là, on rencontre le responsable de la tour. On prend un café avec lui du côté de Tabatinga. Et il nous dit « Bon, écoutez, la réglementation nous dit que si vous décollez et que vous avez un problème moteur et que vous devez vous poser en urgence sur mon aéroport, je serais bien obligée de vous accepter. » Bon, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Ensuite, faites ce que vous voulez. Donc évidemment, on décolle. Tout le monde est au courant. Hein. Donc on décolle. Ah, pas de moteur, mayday, mayday. On se repose, on arrive du côté de Laetitia. Donc là, tout le monde nous accueille. On ne savait pas si on devait faire semblant d'avoir un problème moteur ou si on pouvait, on ne savait pas trop comment gérer le truc. Et ils viennent tous nous voir en nous disant « Bon, bah, écoutez, bienvenue chez nous. On est vraiment désolé pour votre problème moteur avec un petit sourire. Installez-vous dans un hangar. » Une fois qu'on arrive à avoir l'essence, ensuite, eh bien, on est parti pour le Pérou. Le problème, c'est que notre autorisation pour aller au Pérou, bah, elle était depuis le Brésil et pas depuis la Colombie. Donc c'est reparti des complications dans l'autre sens. On découvre que c'est très compliqué de négocier avec les autorités péruviennes parce qu'elles ne parlent pas anglais. Finalement, Clémentine et Adrien s'en sont sortis en faisant appel à leur vague notion d'espagnol du lycée ou du collège. La suite de leur périple aéronautique la semaine prochaine à la même heure.